C'est pas le genre de tes maris à faire du name dropping. C'est clair que ça fera pas marrer même si les têtes opinent. Dans le coin d'une mémoire sombre, ma jeunesse trottine. Ça ne vaut pas mieux que les je t'aime de ton ex-copine. J'ai pas de bolide à garer, rap folie pagaille. Et je gratte, je relis ma life au mic, jolie bagarre. J'ai pas de beau tripanaré, mais si t'entendais le boucan. Dans ce crâne maudit par la fraîche, crinque la tendresse foucan. Incendant, jeune sans repère, ascendant. Barbare, un terrain sanglant, papa va se faire un sang d'encre. Très peu des siens le captent. Un pic, un coin de table, un beat, un coin de save. Du bruit, je n'ai pas besoin de calme. Le môme râle, collage, gîte, un entre deux sévère. Le môme rap, le moral, gicle à l'encre de ses veines. C'était soit brandir le lasso, soit pendu de la zone. Vol sans les ailes de l'oiseau, il grandit de la sorte. Le son coule comme de la pierre, soudain les mots agissent. Si certains ont fait carrière, j'ai fait hémorragie. Scène enragée, ciel orageux, talent gâché, pélorageux. Tellement fâché qu'on joue pas le jeu, on joue pas le jeu. Ouais, j'ai vu passer des stars, mais jamais d'anges gracieux. Une voix tracée, la voix cassée, les phalanges crasseuses. C'est frais, les refrais des ferrés vont s'y référer. Très souvent les préférés, t'aimes si préférés, yeah. Là dans nos veines il y a le nom. L'équivalent de tant de lové qu'il y a de nom. Authentique, autant dire ce qui m'importe dans le deal. Ce que mon pote en tire, dit encore dans nos corps. Dans mes veines il y a le nom. L'équivalent de tant de lové qu'il y a de nom. Autant dire, je suis authentique. Ce qui m'importe dans le deal, ce que mes potes en tire. Veine pisse sur le papier, faisant des mots déshabillés. Le temps des sabliers, fixer le sang des morts. Pas pour tes palpillés, mais par amour et sale plier. Les parpiller le son, si c'est sablier, descendre et mordre. Alors j'ai les ratiches engluées dans des côtes. Cet enculé qu'on décode, la mort en plus les dents des côtes. J'écris la mélodie des fous, ta poésie départ. Y'a qu'un pas d'inaudible foudre, à poésie départ. Le gaz est promis, l'herbe épaisse, grâce est promis. Je ferai couler de la rime si tu baisses les bras, c'est promis. À la vie, l'encre de nos veines vous a plumé nos films. Ne raconte qu'un mauvais, sous sa plume et mobile. Casse-tête, pastèque, l'autre sombre là-bas. Pastème, pastel, l'autre sombre là-bas. C'est sur l'instru la tape, un sort d'enferme touche. Le couteau laisse le sur la table, on sort d'enferme touche. Chaque rime est posée pour voir chanter de la mine. Pour la santé de la mine, loin des chantiers de la mine. Mais oui, la vie est grande et sentier de la mine. Loin des rentiers de la mine, quand le sentier de la mine. Tant que j'écris, bien sûr, c'est calme. L'ingé en crise, moi du succès, le géant gris tient sur ses cannes. Santé malame, le roux se plaint tant t'es malade. Mais je suis de la grêle qui pousse au printemps des malades. Là dans nos veines il y a le nom. L'équivalent de tant de lové qu'il y a de nom. Authentique, autant dire ce qui m'importe dans le deal. Ce que mon pote en tire, dit encore dans nos corps. Dans mes veines il y a le nom. L'équivalent de tant de lové qu'il y a de nom. Autant dire, je suis authentique. Ce qui m'importe dans le deal, ce que mes potes en tirent. Là dans nos veines il y a le nom. L'équivalent de tant de lové qu'il y a de nom.